Galerie Ouest, dans un baraquement. Le grand dirigeant était venu voir les creuseurs, non pour nous féliciter réellement de notre travail, mais pour nous annoncer notre participation forcée à l'effort de guerre. Une fois notre boulot terminé, ici, dans la Galerie Ouest, nous laisserons notre place aux bâtisseurs, nous troquerons nos pioches contre des fusils et nous partirons défendre les territoires extérieurs de la menace des rats. Seulement moi, j'en avais décidé tout autrement. Lorsque nous avons été attaqués il y a 2 semaines, il y avait bien 2 rats, non ? Oui. C'est celui qui vous a enlevé et l'autre qui... L'autre, il a été tué par le chef Morirti et les autres creuseurs. Mila avait accompagné son père. Échappant à son attention, elle avait pu nous rejoindre, vous et moi, au fond de la Galerie Ouest. Elle avait insisté pour nous parler d'un rat. D'un rat au palais. Et nous étions assis sur des caisses dans un débarraquement hors de vue des soldats de son père. Et alors ? Et alors ? Mais enfin, Squeak, creuse-toi la tête ! Ouais, merci, sympa. C'est marrant parce que notre boulot, c'est de... Non, mais ça va, on a compris. Bon, d'accord, je me suis mal exprimée. La police spéciale de mon père est venue chercher le rat assommé, et non pas tué par le chef Moerti. Il y a une section scientifique au palais. Des fous de la science qui, la plupart du temps, travaillent sur l'origine des foules et boules, sauf que là... Oh, ils ont étudié le rat ? Exactement. Vous, c'est plus intelligent que toi, on dirait. Ouais, ça fait tout de suite plus vulgaire quand il me dit tu. Oh d'accord, Squeak. C'est bon. J'ai dit que je m'excusais. Je vous crois, là, voilà. Je crois les pères sévères. J'ai peur, Squeak. C'est ça que tu veux entendre ? Tu devrais sortir du baraquement, Mila. Les soldats de ton père te cherchent. Quoi ? Mais, Squeak ! Je me suis levé, tournant le dos à Booz et Mila. J'ai laissé mon regard dériver sur l'image des ouvriers bafouiches déformés par une vitre sale. J'ai dit que je te croyais. Et alors ? Qu'est-ce que ça change ? Je suis toujours qu'un creuseur avec seulement une pioche. Qu'est-ce que je peux faire contre les rats ? Bah, on va être obligé de faire la guerre, en tout cas. Non, pas moi. J'ai incliné la tête vers eux. Leurs 2 regards interloqués me laissaient de glace. Peu importe leur réaction, peu importe la réaction de Booz, c'était ma vie, j'étais le seul dirigeant de ma vie. Ce soir, je passerai le grand trou. Quoi ? Mila s'est levée d'un bond. Booz a baissé les yeux en hochant la tête d'un air de dépit. Tu abandonnerais Wishiti, les Bifouish ? Ouais, pour vous tous, vous et moi, nous ne sommes que les creuseurs, non ? Alors un de plus ou de moins. Mais non. Mila n'arrivait pas à trouver les mots pour me contredire. Tout simplement parce que j'avais raison. Et sans moi ? Tu peux venir, Booz, comme tu veux. Mais moi, c'est décidé. Il y a un autre monde, peut-être meilleur que celui-ci. Un monde que le grand dirigeant ne veut pas admettre, qu'il ne veut même pas connaître. Un monde où je serais juste un Bifouish. Pas qu'un creuseur. Peu importe le danger, puisqu'ici les rats arrivent et tout est condamné. Je connais mon père. Je connais son incompétence. Et je sais que c'est pas avec une armée de branquignoles qu'on arrivera à repousser les rats. D'accord, on a des armes, on a des véhicules et tous ces trucs, mais on n'arrivera pas à repousser les rats comme ça. Je sais, Mila. Mais c'est toi la princesse, c'est toi la fille du grand dirigeant. C'est toi qui es en partie responsable de Wish City. Non ! Chaque Bifouish est responsable des autres Bifouish. Ah oui ! Booz s'est levé à son tour, l'air triste. Il a dévisagé Mila. Alors pourquoi vous nous laissez crever quand un foulé boule s'écrase sur nous ou qu'on est victime d'un éboulement ? Pourquoi aux yeux de tout Wish City, les creuseurs n'ont pas de valeur contrairement aux bâtisseurs ? D'accord, les maisons dans lesquelles vous vivez tous, elles sont solides parce que les bâtisseurs savent les construire. Mais elles n'existeraient pas si les creuseurs n'avaient pas creusé la terre avant pour qu'on puisse les bâtir là. Quand on fait caca, y a personne pour nous donner du papier à nous. Moi non plus, mais... D'accord, j'ai compris. Vous laissez tomber tous les deux. Les paroles des pères sévères vous font plus rien alors. Les rats que vous avez vus et que vous avez réussi à pousser une fois, ils vous font si peur que vous ne vous permettez pas d'espérer un peu. Moi je voulais juste que le grand dirigeant prenne conscience du danger que représentent les rats. Des rats qui n'ont rien à voir avec les autres rats, Squeak. Des rats qui ont un chef borgne. Ratis. Oui, je sais. Je l'ai vu, ce Ratis. Et alors ? Et alors ? Mon père ne peut rien contre lui. Pas plus que nous. Je crois pas qu'on ait un destin de héros, Mila. J'ai voulu y croire parce que ça faisait de moi autre chose que tu voulais voir de moi, mais... finalement, ça change rien. Alors tu pars ce soir? Ouais, adieu les cavernes, adieu Wish City, les creuseurs et tous merdiers. Très bien. Mila s'est avancée vers la porte. Je suppose que j'aurais tout tenté pour vous convaincre. Nous n'avons rien dit, ni Booze, ni moi. Nous nous sommes contentés d'échapper à son regard. Elle sortit du baraquement. Ce n'était pas mon monde. Bah, Fouiche.